exploration. C'est fou, 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television, Television, Mike Tyson veut jouer du Shakespeare. Après ça, il va vouloir être manufacturier de poulet et de saucisses comme la marque Tyson de poulet et de saucisses. Dans le segment Geek Scénic, c'est un automate qui cueille des tomates. Celui qui va cueillir des patates va-t-il s'appeler un patate? Et dans Merci Science, un spina bifida opéré in utero et en France. On va se plancher chaud tout de suite. Pas très fier de ces blagues-là, moi. Non. Et voici celui qui est autant dans les eaux patates que dans les automates. Mathieu Plante! Clairement, Mathieu Plante a vraiment comme rendu ça drôle, l'intro. Donc bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, comme à chaque semaine, la chronique télévisuelle Television Television, le segment Geek CNX, c'est un fait Tech Edition, et la chronique de sciences, technologie et médecine, Merci Science. On va aussi continuer et terminer notre série musicale Audio Engineering A Tribute to Sid sur la musique de la série Final Fantasy. Avant ça, par contre, on va s'écouter un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et la première que je vous propose est par l'artiste Teal Maki. On écoute Natural Defragmentation tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est fou. We'll be right back. C'était Natural Defragmentation par Théo Maki et au Mathieu Plante Show. On commence l'émission en chronique avec Television Television. C'est Television Television où on parle des nouvelles télévisuelles des 7 derniers jours. Évidemment, en essayant d'approcher le moins de sujets que vous avez déjà entendus dans les grands médias, c'est-à-dire la télé québécoise. On n'en parle pas tellement souvent. Justement, on n'en parle pas du tout cette semaine. Allons-y directement avec de la télé américaine et le monde de l'Ouest, Westworld, adapté à la télé par HBO. Qui a donc commandé l'adaptation série télé du film Westworld de 1973. Le drame de science-fiction réalisé par Michael Crichton était centré sur un parc thématique, donc une foire, avec des robots qui tournent mal, et ça va être adapté pour la télé par HBO. Et la nouvelle série du producteur délégué J.J. Abrams, qu'on connaît entre autres pour Lost et les Star Trek, les films de Star Trek au cinéma récemment, et du producteur, scénariste, réalisateur Jonathan Nolan, qu'on connaît pour Interstellar, ainsi que Person of Interest, est une odyssée sombre qui se déroule à l'aube de la conscience artificielle et l'avenir du péché. Jonathan Nolan et Lisa Joy de Burn Notice ont écrit le pilote qui est réalisé par Jonathan Nolan. Westworld va mettre en vedette Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden et Thandi Newton, entre autres. HBO a dévoilé un petit agace, un teaser sur la plateforme Vine. Vous savez, Vine, c'est des vidéos de 6 secondes, donc il ne se passe pas grand-chose. À part des lignes de magnétoscope qui s'embrouillent sur l'écran et deux personnes, une couchée par terre et l'autre debout devant, ça ne va absolument rien dire. Mais donc, on retourne en 73 pour Westworld en l'an 1983. Donc, ça se passait dans le futur de l'époque. Le parc d'attractions Delos permet à ses visiteurs de se retrouver à l'époque de leur choix. Donc, entre l'époque romaine, l'époque médiévale ou la conquête de l'Ouest, le Westworld 1880, au milieu de robots presque humains. Le récit suit deux hommes d'affaires interprétés par Richard Benjamin et James Brolin, qui ont choisi de passer quelques jours dans le vieux Far West. Accessoirement, sont également illustrées les péripéties d'un troisième amateur de Western et d'un homme plus âgé qui a opté pour le Moyen-Âge. Malgré toutes les précautions et sécurité prises dans le parc d'attractions hyper réalistes, leur séjour ne va pas se dérouler exactement comme ils l'espéraient. Et peu à peu, le centre de contrôle va perdre tout pouvoir sur les machines. Ça a l'air super bon, Westworld. J'ai jamais vu le film d'origine, étant donné que je suis pas vraiment fan de cinéma. Mais Westworld, le monde de l'Ouest, de 1973. Le slogan. Là où les hommes et les femmes robots sont programmés pour vous servir pour la romance, la violence et n'importe quoi d'autre. C'est genre le slogan du film. Maintenant, parlons d'adaptation d'émissions de télé ou de films. Tout ce qui est adapté à la télé. On va commencer par une émission britannique, Luther, qui va être adaptée aux États-Unis par la Fox. La série policière anglaise Luther sera adaptée par la chaîne américaine Fox et ainsi que Deadline. Créateur et star de l'original, Neil Cross et Idris Elba participeront à son élaboration. Apparu sur la BBC en mai 2010, la série Luther suit les enquêtes de John Luther, inspecteur londonien brisé par une dépression nerveuse qui a mis en péril son mariage. Ce flic élimé par la vie est incarné à l'écran par le britannique Idris Elba, l'acteur qui s'est fait connaître dans la série Sur Écoute, avec ça c'est The Wire, avec le rôle de Stringer Bell, s'impliquera dans la version américaine du drame au poste de producteur. Neil Cross, le créateur de la version originale, s'attellera quant à lui à l'écriture de la nouvelle saison. Luther s'est arrêté en juillet 2013 après la diffusion de 14 épisodes répartis sur 3 saisons. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce soit pas Idris Elba qui joue le rôle dans la version américaine. Il n'y a pas de raison. Un peu comme avec Broadchurch et Grace... C'est quoi? Grace Point? En tout cas, Broadchurch, qui était ramené aux États-Unis, c'est la même vedette dans les deux. Je trouve que ça a du sens. C'est comme la continuité de tout. Ensuite, Disney va célébrer les 20 ans de succès. C'est 20 ans de succès, oui, sur Broadway avec une émission spéciale d'une heure qui va être diffusée le mois prochain par la chaîne le réseau ABC. On va rendre hommage à plusieurs des comédies musicales de Disney, dont La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Tarzan, La Petite Sirène, Mary Poppins et Aladdin. À l'émission Backstage with Disney on Broadway Celebrating 20 Years sera diffusée le 14 décembre à 19h. Va être animée par Jesse Tyler Ferguson, qu'on connaît pour la sitcom Famille Moderne, Modern Family. Elton John, Sam Palladio et Claire Bowen de l'émission Nashville. Ashley Brown de Mary Poppins et Adam Jacobs d'Aladdin y présenteront un numéro. Les téléspectateurs pourront voir les membres de la distribution du spectacle Newsies, actuellement en tournée, se préparer pour une représentation à Philadelphie, les coulisses d'une représentation d'Aladdin et une répétition spéciale du Roi Lion. C'est sur ABC qui appartient évidemment à Walt Disney Company. Disney, ABC, ça va ensemble. Zach Braff tourne une série pour MTV. Après une parenthèse au cinéma, le héros de la série Scrubs, en français To Bib or Not To Bib, revient vers le petit écran en réalisant le pilote d'une comédie noire pour MTV. Zach Braff vient d'entamer le tournage de Self-Promotion, comme le prouvent les deux photos postées sur son compte Instagram. Dans ce projet de MTV, une assistante du nom de Katie Preston découvrira que son dragon de patronne a disparu. Persuadée d'être la suspecte idéale dans cette affaire, elle sera prête à tout pour effacer ses moindres traces et mènera l'enquête pour découvrir ce qui est réellement arrivé à sa chef. Zach Braff dirige les jeunes acteurs Brian Jordan Alvarez et Derek Goh, qu'on peut voir sur la photo sur Instagram, ainsi qu'Alexandra Krasny et Lindsay Gort, qui jouaient Samantha Jones dans la version remaniée un petit peu de Sex à New York, de Carrie Diaries, qui se passait dans le passé, avant qu'elles soient les filles de Sex à New York. Mais bon. Ce pilote permet à l'interprète du Dr. J.D. dans Scrubs de repasser derrière la caméra pour la télévision. L'acteur avait déjà tenté l'expérience en réalisant quelques épisodes de la comédie Scrubs sur NBC. L'été dernier, il avait dévoilé son second long métrage, Le rôle de ma vie, dans lequel il se mettait en scène aux côtés de Kate Hudson. Reste à savoir. Désormais, c'est la chaîne MTV qui transformera cet essai de self-promotion en série télé, un peu comme ils ont fait avec Frisson, dont on parlait dans les dernières semaines. On disait en intro Mike Tyson qui veut jouer du Shakespeare. Mike Tyson espère élargir son répertoire en tant qu'acteur en décrochant un rôle dans Othello, la version télévisée de la pièce de William Shakespeare. L'icône de la boxe avait déjà fait des apparitions dans les films Lendemain de veille et Films de peur 5. Je crois pas que ce soit des rôles qui ont tellement marqué du grand talent d'acteur de Mike Tyson. Mais bon, il pense désormais que ce serait génial de décrocher un rôle plus sérieux. Mike Tyson qui... admet qu'il aurait du mal à jouer dans une pièce, mais espère se mettre au défi avec un rôle tel que celui dans Othello. Et il a déclaré au journal britannique Daily Mirror, je cite, « Je tiens absolument à jouer du Shakespeare. Je parlais à un ami et il a cité la première chose à faire, tuons tous les avocats. » Ah ah ah ah, on a ri et ensuite il m'a dit que c'était un extrait de la pièce de William Shakespeare, Anglais 6. Mais c'est complètement impertinent. Mais bon, donc à savoir que qu'il aimerait ça jouer dans Othello. C'était vraiment pertinent. Ensuite, Benicio del Toro, le réalisateur, Martin Scorsese, qui s'apprêterait à signer son troisième pilote pour la prestigieuse chaîne câblée HBO. Et selon Deadline, il mettrait en scène Benicio del Toro en conquistador, dans le pilote de la série historique Cortez. Après Boardwalk Empire et son projet musical avec Mick Jagger, Martin Scorsese remonterait une nouvelle fois dans le temps. Cette fois-ci, il poserait sa caméra à l'époque aztèque en suivant le conflit entre les Espagnols et l'Empire sud-américain. Au 16e siècle. Benicio del Toro endosserait l'armure d'Hernan Cortés, conquistador ibérique au rôle déterminant dans la colonisation espagnole de l'Amérique centrale, signant la fin de la civilisation aztèque. L'histoire n'oubliera pas d'évoquer sa rivalité avec l'empereur Montezuma II et sa relation avec Malinche, une locale qui lui fut d'une précieuse aide. Le sujet avait un moment passionné Steven Spielberg qui devait l'aborder dans le film Montezuma avec Javier Bardem dans le rôle de Cortés. Ce film marquera le troisième passage derrière la caméra de HBO pour Martin Scorsese après Boardwalk Empire. Le cinéaste tourne actuellement une nouvelle série encore sans nom avec Mick Jagger à la production. Bobby Cannavale, Olivia Wilde, Juno Temple, Ray Romano et James Jagger, fils du chanteur des Rolling Stones, tiennent les rôles principaux de ce drame. Un autre retour à la télé, c'est celui de Felicity Huffman, l'ancienne héroïne de Beauté désespérée ou Desperate Housewives, qui va retrouver l'antenne de ABC avec une série policière et judiciaire lancée en mars 2015. American Crime va décortiquer un procès et ses conséquences, oui, aussi bien du point de vue des victimes que des accusés. Suite à l'agression d'un jeune couple désormais entre la vie et la mort, la ville de Modesto en Californie se retrouve en une de la presse. Au cœur de l'attention médiatique, l'affaire va surtout faire ressortir les tensions ethniques et sociales de cette communauté. La série a pu voir le jour grâce à John Ridley, récompensé en mars dernier par l'Oscar du meilleur scénario adapté pour son travail sur Esclave pendant 12 ans de Steve McQueen. Le romancier, réalisateur et scénariste signe sa première collaboration avec le petit écran. La série dramatique, marquera par ailleurs le retour de Felicity Huffman, bien connue des téléspectateurs pour avoir incarné pendant 8 ans, 8 saisons, Lynette Scavo dans Beauté désespérée. L'actrice partagera l'affiche avec Timothy Hutton et Benito Martinez. ABC aura un mois de mars bien chargé, puisque le premier, la chaîne débutera une autre de ses nouveautés, Secrets and Lies. Donc plein de choses à regarder sur ABC. Vous avez peut-être vu la nouvelle. C'est en effet triste de voir que Glee va s'arrêter en mars 2015. La sixième et dernière saison de la comédie musicale sera présentée aux téléspectateurs de Fox du 9 janvier au 20 mars. Glee s'offre un dernier tour de chant avant de tirer définitivement sa révérence. La série Phénomène de Ryan Murphy s'ouvrira avec un double épisode et poursuivra la diffusion de ses 13 ultimes épisodes jusqu'au 20 mars. L'occasion de découvrir le destin réservé aux anciens élèves du lycée McKinley, dont certains seront exceptionnellement de retour afin de faire leurs adieux à 6 ans de leur vie. Ensuite, je pense qu'on va y aller avec Netflix. Tiens, parlons de nouvelles de télé sur Internet. Netflix qui part à l'assaut de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Après l'Europe, le service de vidéo sur demande Netflix continue son expansion mondiale et a annoncé qu'il se lancerait en Australie et en Nouvelle-Zélande en mars. Le groupe américain n'a pas précisé ce qu'il facturerait dans ces deux pays, mais assure que ce sera un faible tarif mensuel qui permettra aux abonnés de regarder ses programmes en flux continu sur des tablettes électroniques, smartphones, consoles de jeux et autres écrans mobiles. Netflix s'est lancé récemment sur le marché français, vous le savez, ainsi qu'en Autriche, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse. Le service était déjà disponible au Royaume-Uni, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Norvège et Suède depuis 2012. L'annonce de cette nouvelle étape dans son développement planétaire intervient quelques semaines après que Netflix eut dévoilé des résultats trimestriels décevants et une croissance faible. Les producteurs de séries à succès comme House of Cards et Orange is the New Black ont en effet affiché seulement 3 millions de nouveaux abonnés au dernier trimestre, dont 2 millions hors États-Unis, portant le total de ses souscriptions à 53,1 millions de personnes dans le monde. On reste avec Netflix. On va mesurer le streaming aux États-Unis. Le groupe de mesure d'auditoire Nielsen dévoilera les codes d'écoute des émissions diffusées en flux sur Netflix et Prime Instant Video d'Amazon aux États-Unis, qu'on connaît plus sous le nom de Amazon Prime Instant Video. Quand on le dit à l'envers, ça sonne creux. C'est Prime Instant Video de Amazon, ça fit comme pas dans ma tête. Des codes d'écoute qui sont actuellement un mystère. Des diffuseurs comme Netflix refusant de dévoiler leurs chiffres. L'information sera probablement significative car un nombre toujours croissant d'Américains souscrivent à ces services. Le pourcentage de foyers abonnés à un service de vidéo sur demande est passé de 34% en janvier 2014 à 40% en septembre dernier aux États-Unis. Des séries comme Orange is New Black, House of Cards verront leur auditoire révélé selon le plan de Nielsen. Les chiffres ne comprendront pas la diffusion en flux sur appareil mobile et le calcul reposera seulement sur les composantes audio de chaque émission pour voir lesquelles sont regardées. Finalement, ça va être avec les People Meter, le petit appareil à la beeper pagette que tu mets sur ta ceinture et qui entend le son de tout ce que tu regardes et entends. Donc, que ce soit de la télé ou de la radio, ça entend tout ça et donc ça va pouvoir entendre Netflix. Ce ne sera pas les vrais chiffres véridiques et véritables comme Netflix. Si Netflix pouvait débarrer ces chiffres-là et qu'on ait vraiment la vérité, mais bon, que voulez-vous? Les réseaux traditionnels et les producteurs de contenu pourront se servir de ces données pour négocier le prix de leur présence sur les services de diffusion en continu. Donc Netflix et les codes d'écoute, ça sent bien. Voilà pour les nouvelles. Maintenant, parlons de cotes d'écoute pour la semaine du 3 au 9 novembre. Pour ceux que ça intéresse, un petit top 15 à 6 en rafale pour commencer. Ça serait le meilleur, le mieux. Le best. Si ça peut charger, oui, le bon. Donc, position 15 à 6 en rafale, l'auberge du Chien Noir, la poule aux odeurs, les pêcheurs, Fort Boyard, Mémoire vive, les enfants de la télé, au secours de Béatrice, sur invitation seulement, haut et toute la vérité. En cinquième, c'est Vlog. En quatrième, tout le monde en parle. Troisième, Yamaska. Deuxième, Le Banquier. Et première, Unité 9 à Radio-Canada. Au Canada anglais, 15 à 6 en rafale, Scorpion, les nouvelles de CTV, Hawaii 5-0, How to Get Away with Murder, Two and a Half Men, Bones, Arrow, Once Upon a Time, Blue Bloods, Amazing Race. En cinquième, The Blacklist. En quatrième, Survivor, San Juan. En troisième, Gotham. En deuxième, Criminal Minds. Et en première place, c'est comme toujours, sur CTV, The Big Bang Theory. Voilà pour les codes d'écoute. Et voilà donc pour Television. Dans quelques moments, ce sera Merci Science. Avec, entre autres, le fait qu'il n'y aurait pas de gène de longévité chez les centenaires et une main bionique faible coût grâce à l'impression 3D. Ce sera plus tard dans la chronique Merci Science. Mais avant ça, retournons entendre encore un peu de chiptune. Je vous propose l'artiste Koos, K-O-0-X. Voici Brand New Day au 89.1 FM, MPS, le Mathieu Plante Show. Fantastic Mr. Lennox avec Planet 210, précédé de Brand New Day par Cook au 89 FM, c'est Mathieu Plante Show et on continue avec Merci Science. C'est Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister et commençons avec le fait qu'il n'y a pas de gène de longévité chez les centenaires. Le séquençage du génome d'une vingtaine de grands centenaires comptant parmi les personnes les plus âgées au monde n'a pas permis de trouver de variations génétiques spécifiques liées à une extrême longévité selon une étude. Il y a à l'heure actuelle 74 grands centenaires en vie recensés sur la planète. Tous ont plus de 110 ans et parmi ces personnes les plus vieilles de l'humanité, 22 vivent aux États-Unis. Les auteurs d'une recherche menée par Inko Gierman de l'Université Stanford en Californie ont effectué le séquençage complet du génome de 17 de ces grands centenaires pour tenter de découvrir les secrets génétiques d'une aussi longue longévité. Ben oui. Mais au sein de ce petit échantillon, ils n'ont pas trouvé de variations génétiques rares produisant des protéines qui pourraient expliquer leur longévité. On s'est conclu dans cette étude parue dans la revue PLOS ONE. Ils ont toutefois trouvé chez l'un d'entre eux une mutation génétique liée à une pathologie cardiaque qui, dans ce cas, n'a eu que peu, voire aucun effet sur sa santé. Même si ces travaux de génétique n'ont pas permis d'avancer dans la compréhension des mécanismes biologiques de la longévité exceptionnelle, les auteurs ont rendu public le séquençage de ces génomes pour de futures recherches. La chute de taux de natalité et la forte augmentation de l'espérance de vie font que la population américaine vieillit rapidement. Aux États-Unis, une personne sur cinq aura plus de 65 ans d'ici 2050 et au moins 400 000 seront alors centenaires. La médecine pourrait connaître des avancées importantes ces prochaines décennies permettant de ralentir le vieillissement. Des laboratoires privés et des universités conduisent actuellement des recherches visant à percer les secrets de la fontaine de jouvence et des responsables religieux, des bioéthiciens, oui, et des philosophes commencent à réfléchir aux implications sociales et morales d'une telle prolongation de la vie, indiquait l'an dernier une enquête du Pew Research Center, un organisme indépendant de recherche à Washington. La jeune entreprise italienne U-Bionic a développé une prothèse de main myoélectrique à bas coût en se servant de l'impression 3D et de composants électroniques courants. Son objectif est de sortir un produit fini aux alentours de 1 500 $ environ pour qu'un plus grand nombre de personnes amputées puissent bénéficier de ce genre de technologie. Les progrès en matière de membres artificiels continuent des prothèses de bras ou de jambes. qui peuvent être contrôlés par la pensée restituent une souplesse qui n'est plus si éloignée de celle d'une articulation naturelle et même un certain sens du toucher. Mais ces merveilles de technologie sont soit très onéreuses, soit encore réservées à quelques candidats pour des essais cliniques. Si ce travail d'innovation est évidemment indispensable, parvenir à démocratiser ces technologies l'est tout autant. C'est l'objectif que s'est assigné la start-up italienne U-Bionic. Il a développé une prothèse de main myoélectrique contrôlée par la contraction des muscles via des électrodes. C'est à partir de cette technologie très répandue pour ce genre d'appareillage que les concepteurs ont fabriqué une prothèse à faible coût. Donc, pour y parvenir, U-Bionic a eu recours à l'impression 3D et à des composants électroniques standards, dont un microcontrôleur Arduino. Un prototype fonctionnel existe et on peut le voir en action dans une vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Hein? Pendant que je cherche de façon tout à fait subtile que ce serait environ 1 400 $. Voilà, hein? C'est ça. Donc, cette main bionique n'est pas d'une grande sophistication et n'offre pas les mêmes fonctionnalités que les modèles valant plusieurs milliers de dollars. Je cite, « Le but de notre recherche est de créer une main artificielle qui puisse bénéficier à ceux qui en ont malheureusement perdu une. Nous voulons accomplir ça à un prix inférieur à tout ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Nous souhaitons que notre produit convienne au plus grand nombre de gens possible. » Ces derniers assurent, donc les gens responsables de ça, les concepteurs, assurent qu'ils peuvent fabriquer cette prothèse et tous ses composants mobiles d'une pièce, une seule pièce et en une seule impression, sans donner plus de détails. L'idée de recourir à l'impression 3D pour fabriquer des prothèses n'est pas nouvelle. On peut citer le Enable, un projet collaboratif qui rassemble 1500 volontaires, ingénieurs, artistes, étudiants, prothésistes, makers et fabricants, qui conçoivent et diffusent gratuitement des modèles de prothèses de main mécanique qu'on peut imprimer en 3D pour un coût d'environ, je dirais, 60 $. Ça peut être de 20, 25 à 60 $. De son côté, U-Bionic n'a pas encore précisé son modèle économique ni fixé de date pour un début d'activité commerciale. La jeune entreprise cherche actuellement des investisseurs susceptibles de l'aider à concrétiser son projet. Et finalement, atteint de spina bifida, un fœtus a été opéré dans le ventre de sa mère au cours du 5e mois de grossesse par des médecins de l'APHP. On a appris que le petit est né par césarienne le 9 novembre. C'est une première en France et un grand pas pour les enfants touchés par cette malformation. Pratiquée depuis des années aux États-Unis, l'intervention chirurgicale consistant à recouvrir la moelle épinière exposée par une suture a été réalisée pour la première fois en France cet été. En effet, le spina bifida dont souffrait ce fœtus correspond à une ouverture anormale de plusieurs vertèbres au niveau du dos du bébé. Il s'agit de la malformation la plus fréquente du système nerveux central concernant en moyenne une grossesse sur 1000. Réalisée chez une future maman au terme du 5e mois de grossesse, l'opération a été un succès. Dans les 10 jours qui ont suivi et sous étroite surveillance médicale, une normalisation des anomalies cérébrales préexistantes provoquées par la malformation ont été constatées. La jeune femme a ensuite accouché par césarienne à 8 mois de grossesse le 9 novembre dernier. Le bébé ainsi que la maman sont en parfaite santé en ce moment. Dans plus de 90% des cas, cette malformation est diagnostiquée avant la naissance par échographie. Et dans ces cas, l'exposition de la moelle et des racines conduit à des lésions irréversibles qui peuvent entraîner une anomalie motrice au niveau des jambes, pouvant en particulier compromettre l'acquisition de la marche et une anomalie de contrôle des sphincters, expliquent les médecins. Par le biais d'une fuite du liquide céphalo-rachidien, cette malformation a des conséquences sur le cerveau fœtal, dont la partie postérieure s'affaisse progressivement en cours de grossesse. Les répercussions cérébrales peuvent alors compromettre le développement des acquisitions des enfants. Or, de nombreux travaux ont montré que la réparation prénatale de cette malformation réalisée vers 5 mois de grossesse permettait de réduire le handicap de ces enfants en protégeant la moelle, ce qui améliore la commande motrice des jambes. Cette opération consiste à recouvrir la moelle épinière extériorisée en réparant par une suture l'enveloppe qui normalement la recouvre, puis à suturer ensuite la peau du bébé. Comparativement à une prise en charge après la naissance, les bénéfices sont plus importants. Cette opération permet de stopper la fuite du liquide céphalo-rachidien, le cerveau étant ainsi protégé, le développement intellectuel des enfants est amélioré. Cependant, cette intervention n'est pas sans risque. Elle expose à un accouchement prématuré et impose une césarienne. Toutefois, cette première est un grand pas pour les enfants atteints de spina bifida et leur maman. Elle permet d'ouvrir la voie à une meilleure prise en charge et améliorer par la suite le développement moteur et intellectuel de ces enfants. Excellent! Nous voilà au bout de Merci Science. Il nous reste encore CNX, le segment geek dans quelques minutes. On va parler entre autres d'un système pour vélo qui produit de l'eau potable à partir de rien ou presque. Et aussi un robot qui se fait agent de sécurité. Ce sera dans CNX tout à l'heure, mais pour l'instant, une chanson de chiptune. On s'en va entendre l'artiste Talkboy Arcade. Et son extrait s'appelle Lépidoptera. On écoute ça tout de suite. MPS, le Mathieu Planchon sur CNX. pièce de l'artiste Tugboy Arcade, Lepidoptera au Mathieu Plante Show. Tantôt, on va entendre de la musique inspirée de Castlevania. Ça va être bon, ça. Mais avant, c'est le segment Geek Scenix. CNX, c'est le blog dans lequel on parle des nouvelles technologiques, informatiques, jeux vidéo, tout ce qui tourne autour de ça, donc qui n'est pas scientifique. Commençons avec Google qui est capable de décrire une image en langage naturel. Mm-hmm. Google qui a développé un logiciel expérimental qui sait décrire avec précision une image de la première analyse. C'est basé sur une double interface neuronale qui pourrait servir à générer des sous-titres vocaux pour aider les personnes non-voyantes, mais également servir à transmettre les données dans des régions où les connexions mobiles sont trop lentes en remplaçant les images par du texte. Hein? Par exemple, bon, ici, on voit une photo avec des pizzas et ça dit « Deux pizzas posées au-dessus du four de la cuisinière ». C'est le sous-titre généré automatiquement par le logiciel Google après avoir analysé l'image. Donc, c'est ça. Une image peut valoir mille mots et autres débuts d'articles clichés. C'est ce que pensent des chercheurs travaillant pour Google qui ont créé un logiciel capable de décrire avec précision une image en langage naturel. Encore au stade expérimental, ce système obtient déjà des résultats prometteurs et laisse entrevoir plusieurs sortes d'applications concrètes. Il pourrait notamment aider les personnes déficientes visuelles à comprendre une photo grâce à des sous-titres énoncés à voix haute. Il pourrait aussi servir dans certaines régions du globe où les connexions mobiles sont trop lentes pour afficher des images à l'écran. Cette technologie pourrait fonctionner dans le sens inverse et faciliter la recherche d'images en langage naturel sur Google. Donc, le système de Google combine deux interfaces neuronales qui, à l'origine, ont été développées séparément. L'une d'elles est un réseau neuronal profondément convolutif que le géant américain utilise déjà dans son service Street View pour reconnaître les numéros de rue. Ce système est conçu pour générer la représentation mathématique d'une image afin de pouvoir identifier des objets. Le second réseau neuronal a été développé pour faire de la traduction automatique. Une fois les deux réseaux associés, le premier va en quelque sorte détailler une image et transmettre une description mathématique de ce qu'il voit au second, qui s'en sert pour produire une phrase en langage naturel. Google a entraîné le système en le nourrissant de milliers d'images avec des descriptions rédigées par des humains. Puis la technique a été mise à l'épreuve avec plusieurs bases de données d'images, dont Flickr, SBU et Pascal. Dans l'article scientifique qui décrit le projet, c'est Show and Tell Neural Image Caption Generator. Les ingénieurs Google livrent les résultats de différents tests qui atteignent pour certains le score de 59%. Alors que le taux est de 69% pour les humains, c'est pas tellement loin. Si les premiers chiffres en témoignent déjà d'un haut niveau d'efficacité et de précision, la marge de progression du système est encore importante. Le perfectionnement de cette double interface neuronale dépend de la quantité et de la qualité de la matière qu'on lui fournit pour apprendre. Des robots pourraient-ils un jour remplacer les employés qui travaillent dans les serres canadiennes? Un chercheur de l'Université de Guelph a mis au point un prototype capable de cueillir des tomates qui est présenté cette semaine, sûrement la semaine passée, à l'exposition annuelle d'horticulture à Leamington, dans le sud-ouest de l'Ontario. Cueillir une tomate peut sembler être une tâche toute simple, mais pour un robot, c'est un défi complexe, du positionnement du bras à la pression nécessaire pour serrer le fruit sans l'écraser. C'est ce que nous explique le directeur de l'Institut de robotique à l'Université de Guelph. Le prototype de M. Moussa est équipé d'un système de caméra et d'un bras qui est testé dans quelques serres du sud-ouest de l'Ontario. Le directeur de la recherche à l'une de ces serres où sont cultivées des tomates et des concombres biologiques croit qu'un robot pourrait aussi les aider à identifier plus rapidement les insectes et les maladies qui ravagent leur culture. Pour le chercheur Medat Moussa, le but n'est pas d'éliminer complètement le travail humain, mais d'augmenter le rendement des serres canadiennes afin de faire concurrence à d'autres pays producteurs comme le Mexique. Il espère pouvoir commercialiser son système d'ici 5 ans. Maintenant, un système pour vélo qui produit de l'eau potable à partir de presque rien. Le jour où les cyclistes n'auront plus à se soucier de manquer d'eau lors de longues excursions est à nos portes. C'est du moins la promesse d'un concept produit par Christophe Rétézard, étudiant autrichien en design industriel en lice pour l'obtention du James Dyson Award. Donc, c'est un concours organisé par la fondation de M. Balayeuse, lui-même Dyson. Fonceux, c'est une bouteille d'eau à remplissage automatique qui se fixe à un vélo. Le dispositif recueille l'humidité contenue dans l'air ambiant et extrait l'eau potable par condensation avant de l'emmagasiner dans le récipient en question. Alimenté par des panneaux solaires, l'appareil peut récolter jusqu'à 500 ml d'eau en une heure lorsque les conditions climatiques sont optimales. L'idée est bien sûr super, loin d'être parfaite. Par contre, un filtre rattaché au conduit d'air permet d'empêcher que des impuretés, comme des poussières ou des insectes, contaminent l'eau ou endommagent le dispositif. Toutefois, puisque le filtre n'élimine pas les polluants atmosphériques, il n'est pas recommandé d'utiliser le Funtus dans un environnement urbain. Hein? Pour l'instant, le prototype est capable de stocker une goutte d'eau par minute dans un environnement où le taux d'humidité est de 50% et la température de moins 20 degrés Celsius. Le projet s'adresse d'abord aux cyclistes, mais ça pourrait être son concept pourrait être exploité dans bien d'autres contextes, notamment pour sauver des vies. Comme dit Rétésar, plus de 2 milliards de personnes vivent dans des régions où il y a pénurie d'eau. Les Nations Unies estiment qu'en 2030, 47% de la population mondiale vivra dans des zones à risque. On ajoute aussi que l'atmosphère terrestre contient environ 13 000 km3 d'eau douce, essentiellement inexploitée. Il va sans dire que ce concept représente peut-être les balbutiements de la production d'appareils à prix modique, spécialisés dans l'extraction de molécules d'eau qui pourraient contribuer aux pays en voie de développement. Un robot d'un mètre cinquante en guise d'agent de sécurité, telle est la proposition de l'entreprise californienne Nightscope avec le K5, une machine des plus futuristes. Si les foyers auront prochainement la possibilité de disposer du robot Kicker, les magasins et autres entreprises pourront, eux, se rabattre sur le K5, un robot de 150 cm et de 140 kg en forme de gros obus. Ou de Dalek moderne, pour les fans de Doctor Who, intègre 4 caméras, des microphones, un GPS et une myriade de capteurs capables notamment de détecter un incendie ou une fuite de gaz. Il se connecte en Wi-Fi, mais également via les réseaux mobiles pour lancer les alertes appropriées. Ça ressemble en effet vraiment à un Dalek. K5 n'a pas vraiment pour mission de remplacer un gardien humain, mais de l'épauler, notamment dans la réalisation de patrouilles et autres rondes de surveillance. L'objectif est de libérer du temps à l'employé pour effectuer des tâches qui demandent une intervention humaine qu'un robot ne peut assumer. Les agents de sécurité peuvent donc être rassurés K5 ne leur prendra pas la place, mais pourra surveiller un stationnement de façon autonome, par exemple. Si le robot de Nightscope a déjà fait une apparition inattendue dans un épisode de la série de science-fiction Extant, sa présence en dehors d'Hollywood est encore limitée. 5 modèles patrouillent actuellement sur le campus de Microsoft dans la Silicon Valley et 4 autres ont été commandés par une autre entreprise. Le K5 donne une vision de la manière dont la surveillance physique peut se développer, mais c'est sans doute pas de sitôt qu'on verra déambuler partout ces robots. Mais ils sont très beaux, ils sont cute, on devrait en avoir tous un. Un artiste britannique du nom de Mark Farid s'apprête à réaliser une expérience pour le moins étonnante. Il va rester enfermé la plupart du temps seul dans une pièce avec un casque de réalité virtuelle sur la tête pendant 28 jours. Il va pouvoir vivre par procuration la vie d'un autre. Les casques de réalité virtuelle font de plus en plus parler d'eux et leurs utilisateurs y voient généralement l'occasion de tenter de nouvelles expériences immersives. Si l'on est tout de suite tenté de penser à des jeux vidéo ou à des expériences cinéma à 360 degrés, d'autres y voient une possibilité de vivre une autre vie par procuration. C'est le cas de l'anglais Mark Farid qui s'apprête à passer 28 jours dans la tête d'un autre homme. Son expérience baptisée Seeing Eye, avec la lettre I, comme le jeu, elle consiste à s'enfermer durant 28 jours dans une pièce avec sur la tête un casque de réalité virtuelle. Une heure par jour, un psychologue va venir l'observer en silence pour s'assurer que tout va bien. Ce qu'il verra dans son casque ne sera pas transmis en temps réel. Un décalage de 6 jours sera appliqué entre le moment où le contenu sera filmé 24 heures sur 24 avec une caméra tête haute où il sera diffusé devant les yeux de Mark Farid. Donc, décalage de 6 jours, caméra tête haute, ça veut dire au-dessus de la tête. Donc, il va pouvoir voir... C'est ça, tête haute, c'est est-ce que c'est au-dessus de la tête ou c'est directement derrière pour qu'on voit comme son point de vue? Je ne sais pas. L'objectif de l'expérience est de déterminer si on peut perdre une partie de sa propre identité en vivant la vie d'un autre par procuration durant une longue période. Mark Farid ne doit pas connaître l'identité de l'autre, mais certains critères sont appliqués dans son recrutement. Ça va être un homme hétérosexuel et vivant en couple pour que Farid puisse s'identifier un minimum à la situation. Si elle peut paraître farfelue, l'expérience soulève par ailleurs des inquiétudes, outre d'éventuels problèmes psychologiques, notamment liés à l'isolement. Les médecins s'interrogent sur l'impact que la démarche pourrait avoir sur ses yeux, puisque Mark Farid va avoir un écran très proche de lui toute la journée. Un essai a déjà eu lieu sur une période de 24 heures, confirmant que l'immersion entraîne une sorte d'identification à l'autre. Mais c'est trop peu pour déterminer l'impact de l'expérience sur une durée de près d'un mois. Seeing Eye devrait avoir lieu durant l'automne 2015, ce qui laisse encore du temps à Mark Farid et son équipe pour se préparer et trouver l'homme dont la vie sera exposée au regard d'un étranger pendant 28 jours. Le projet cherche également à récolter des fonds sur Kickstarter. Je me demande pourquoi le délai de 6 jours, sûrement qu'il y a des explications sur le site, mais bon, j'imagine que ma curiosité l'emportera et j'irai voir plus tard. Les chercheurs de l'université, le lien est sur assemblagerequis.com en passant, c'est pas genre arrangez-vous avec vos troubles, cherchez ça, non, il est sur assemblagerequis.com. Des chercheurs de l'Université de Queen Mary de Londres travaillent sur l'intelligence artificielle. Ils ont enseigné des tours de magie à un ordinateur à l'aide des règles de base d'un tour de cartes et d'un puzzle magique et sur la manière dont les êtres humains comprennent ces tours. La machine a su créer des variantes à un système qui pourrait jouer les assistants auprès des magiciens. Les magiciens ont-ils du souci à se faire... Est-ce qu'ils devraient s'en faire? Okay. Pour la première fois, un programme d'intelligence artificielle est parvenu à reproduire des tours de magie et surtout à créer des variantes inédites. L'expérience a été mise au point par une équipe de chercheurs de l'Université Queen Mary de Londres qui vient de publier des résultats de leurs travaux, c'est ça, dans la revue Frontiers in Psychology. Les tours de magie en question étaient basés sur des techniques mathématiques et non sur de la prestidigitation ou d'autres types d'illusions. En l'occurrence, il s'agit d'un puzzle magique qui consiste à recréer des formes géométriques et d'un tour de cartes où il faut deviner la carte choisie au hasard dans un jeu. Les chercheurs ont entré dans leur programme informatique les principes de fonctionnement de ces deux tours auxquels ils ont ajouté des résultats d'expérience sur la manière dont les spectateurs les comprennent. À partir de ces données mathématiques et psychologiques, l'algorithme est parvenu à créer plusieurs variantes inédites de ces deux tours de magie. Un système informatique peut traiter un volume d'informations et envisager tous les résultats possibles d'une manière qui est impossible pour une personne seule. Ainsi, même si une personne dans l'assistance a peut-être déjà vu une variante de ce tour, l'intelligence artificielle peut utiliser des principes psychologiques et mathématiques pour créer de nombreuses versions différentes et faire en sorte de maintenir le mystère. Le tour du puzzle magique consiste à assembler les pièces pour créer des formes géométriques, puis à l'assembler de nouveau en faisant disparaître certaines de ces formes. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, comme la taille du puzzle, le nombre de pièces et de formes et les configurations possibles. Autant de données qu'un algorithme peut traiter avec facilité. Il est d'ailleurs possible de recréer l'expérience en téléchargeant un kit nommé The 12 Magicians of Osiris sur assemblagerequis.com. L'équipe de l'Université Queen Mary a également créé 3 applications Android qui permettent de jouer les devins grâce à un téléphone. L'une de ces applications nommée Phony consiste à retrouver la carte choisie au hasard par une personne. Plus impressionnante, une autre application nommée Crystal Ball parvient à identifier le mot qu'une personne a énoncé mentalement. On peut trouver ces programmes sur le magasin d'applications Google Play, mais ils sont payants. Donc, c'est un projet académique, mais il vous charge quand même. Allez retrouver le lien sur le site. L'entreprise nord-américaine Touch Graphics et l'Université de Buffalo ont co-développé des cartes en relief qui réagissent au toucher pour délivrer des informations vocales. L'objectif est d'aider les personnes non-voyantes à mieux se déplacer aux abords et à l'intérieur des bâtiments en leur fournissant une description vocale précise. Le GPS avec guidage vocal a beaucoup contribué à améliorer l'autonomie des personnes non-voyantes en les aidant à se déplacer avec plus de facilité. Le problème est qu'il ne fonctionne pas à l'intérieur des bâtiments et il faut alors s'en remettre à une assistance humaine ou à une signalétique en braille qui n'est pas toujours assez détaillée. C'est en partant de ce constat qu'une équipe nord-américaine réunissant la société Touch Graphics et le Center for Inclusive Design and Environmental Access, le IDEA, de l'Université de Buffalo, a conçu des cartes en 3D palpables. Elles mettent en scène un espace dont tous les éléments produisent une information sous forme vocale dès qu'on les touche. Les bâtiments, les pièces, les couloirs, allées, routes et autres arrêts de bus sont fabriqués avec une imprimante 3D ou par un usinage CNC et recouverts d'une peinture conductrice. Chaque pièce est reliée à des capteurs placés dans le piédestal du pupitre. Ils sont eux-mêmes connectés à un ordinateur qui gère les interactions sonores. Lorsqu'une personne touche un des objets avec ses mains ou du bout des doigts, le système énonce ce qu'il représente et décrit éventuellement l'activité qui s'y trouve, puis l'itinéraire à suivre pour s'y rendre. Moi, je trouve ça génial, cette histoire-là. Les capteurs fonctionnent avec une technologie brevetée pour évaluer l'intensité de la pression. Ça permet au concepteur de régler le seuil de déclenchement de manière uniforme et de s'assurer que le système conviendra à la force et à la dextérité de tous les utilisateurs. Maintenant, ça, c'est la nouvelle qui me fait rire cette semaine parce qu'on revient un petit peu dans le passé. IZO qui a annoncé un produit hors du commun, le FlexScan EV273-0Q ou 2730Q, le premier moniteur carré au monde destiné au grand public. Là, on a des écrans 16.9, 16.10 dépendant. Avant, tu avais des écrans 4.3, donc tu avais juste un petit peu plus large que haut. Et là, on revient à des carrés, complètement des carrés. En fait, on revient pas parce qu'on n'a jamais... Je pense pas qu'on a déjà eu des écrans carrés, genre dans le grand public, peut-être. Mais entre autres, le BlackBerry, il y a un récent modèle de BlackBerry qui était complètement carré. Et apparemment, c'est super le fun d'avoir ce carré parce que pour de la lecture, c'est mieux qu'un écran large. T'as pas d'écran, t'as pas de blanc ou de vide, d'espace vide. Mais là, sur un moniteur où tu veux regarder des films, hein, je comprends pour la lecture, mais en tout cas. Donc. Grand public ici, évidemment, le premier moniteur carré au monde destiné au grand public. Le grand public, c'est une niche quand même. Donc, c'est la niche du contrôle aérien, finalement. C'est le marché sur lequel IZO propose une gamme Raptor très spécifique. Un modèle 2K par 2K sur commande au prix de 15 000 euros. Donc, ça veut dire quoi? 20 000? On va y aller voir. In Canadian dollars, please, if you want to me. Ça marche pas, ça? D'habitude, ça marche tout le temps, cette histoire-là. Deux secondes. Oui, 21 000. Je suis quand même pas pire en estimé aujourd'hui, on dirait. Donc, le nouvel EV2730Q complète, quant à lui, la gamme FlexScan. destiné aux entreprises comme aux particuliers exigeants. Les éconditionnels du 16-10 peuvent se réjouir et pourront profiter d'une surface en hauteur bien plus importante qu'avec un 16-9, sans pour autant se résoudre à se contenter des définitions inférieures du dernier 4-3 du marché. Évidemment, les 4-3 dans le temps qui étaient en qualité de quelques milliers à peine de pixels, à peine 1000, alors que là, c'est du 2K par 2K. 2000 par 2000, si je comprends bien. Mais je connais absolument pas les définitions, mais c'est la moitié du 4K. Les Ultra HD, c'est la moitié de ça. Donc, le FlexScan affiche un ratio de 1 pour 1 avec une définition de 1920 par 1920, ben voilà, sur une diagonale de 26,5 pouces. Le reste des détails techniques sur assemblagerequis.com, mais je trouve ça quand même drôle pour faire... tu peux l'avoir en mode... Pourquoi ça montre en... OK, c'est une photo en portrait ou une photo en paysage. Ça arrange les deux bien dans l'écran parce que c'est carré. C'est le fun. Ensuite, on va y aller avec Times Square qui s'offre le plus grand écran numérique au monde. La célèbre place du Times Square à New York s'est offerte le plus grand écran numérique haute définition du monde, presque aussi vaste qu'un terrain de football américain. L'écran installé sur la façade d'un hôtel fait l'équivalent de 8 étages de haut, donc 23,74 mètres et 100,50 mètres de long, couvrant tout l'espace entre la 45e et la 46e rue au cœur de Times Square. Il compte 24 millions de pixels, une densité inégalée au monde pour une telle surface. C'est ce qu'a précisé évidemment Mitsubishi Electric Power Products qui l'a fabriqué. Ajoutons que la technologie Real Black LED est utilisée pour qui va permettre aux promeneurs d'avoir une vision précise, même de très très près. L'écran géant est également associé à des caméras haute définition pour éventuellement filmer la foule et diffuser des images en direct en utilisant des réseaux sociaux. L'écran de plus de 2300 m² devrait s'allumer pour la première fois, donc c'est allumé mardi soir dernier avec un sujet d'art numérique produit par le studio Universal Everything. Google est le premier annonceur depuis hier, le 24 novembre. L'écran est vendu à un annonceur jusqu'en janvier. C'est ce qu'a indiqué Clear Channel qui loue l'espace publicitaire. Donc, présentement, on dit que l'écran géant avait généré, avant son lancement, un énorme intérêt. Le prix d'une telle location n'a pas été communiqué, mais dépasserait plus de 2,5 millions de dollars pour 4 semaines, selon le New York Times, un montant à la hauteur de l'écran gigantesque et des centaines de milliers de personnes qui se prêchent chaque jour sur la place la plus célèbre du monde. Les réseaux sociaux auraient beaucoup moins d'impact que les grands médias, nous apprend une étude. Donc, si les réseaux sociaux pèsent lourd dans l'information en nombre de messages, ils ont bien moins d'impact que les grands médias comme les radios, les télés, les journaux, les sites d'information. Donc, en nombre de personnes exposées à l'information, selon l'étude présentée par Kantar Media. Les milliers de messages sur les réseaux sociaux, Twitter en tête, représentent désormais l'écrasante majorité du nombre des retombées. C'est passé, donc, chez Counter, on a passé en revue 110 grands médias français et réseaux sociaux sur plusieurs sujets d'actualité. Mais en termes d'impact médiatique, donc le nombre de personnes touchées, parfois plusieurs fois, le résultat est très différent. On a analysé en détail la couverture du virus Ebola en octobre. Et la radio et la télévision ont eu de loin le plus fort impact médiatique, donc 48%, suivi de la presse écrite à 17% et des médias en ligne à 20%, contre seulement 13% pour Twitter et 2% pour les autres réseaux sociaux, dont Face-to-Face. De plus, les messages sur Twitter émanent très souvent des grands médias eux-mêmes. Évidemment, il faut bien que la nouvelle vienne de quelque part. Là, sur les réseaux sociaux, on fait juste partager les affaires des autres, on n'invente jamais rien. Donc, les pics de bruit sur les réseaux sociaux ne portent pas toujours sur les mêmes informations et ne surviennent pas au même moment que ceux des grands médias. Le premier cas de contamination en Europe, une infirmière espagnole a généré un pic de messages sur les réseaux sociaux une journée plus tôt que sur les grands médias. Les informations internationales, le premier cas de contamination aux États-Unis, la mort d'un employé de l'ONU en Allemagne, ont eu beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux sans intéresser les grands médias. Ces derniers, en revanche, se sont passionnés pour le renforcement des contrôles dans les aéroports, mais pas Twitter. Malgré un impact médiatique finalement limité, les réseaux sociaux ont une capacité de mobilisation qui pousse parfois les entreprises à prendre des mesures radicales dès que naît un mauvais buzz, a soulevé Kantar. Un cas type, celui de Danette, qui a vu sa campagne publicitaire de septembre accusée de racisme sur Twitter à cause d'un visuel montrant une famille noire déguisée en animaux, alors que les familles blanches étaient représentées en vacances à la montagne ou à la mer. Danette, je crois que c'est une sorte de dessert de Danone. Donc, le 3 septembre, Danette lançait sa campagne. Le jour même et le lendemain, des messages indignés fleurissaient sur Twitter. Le 5 septembre, Danette annonçait sur Twitter le retrait de sa campagne, poussant les grands médias qui n'avaient pas parlé jusque-là à s'emparer de l'affaire. Les jeux en ligne renforcent les liens familiaux. Tiens, parlant de choses qu'on sait déjà, une nouvelle recherche de l'Université de Concordia, l'Université juste Concordia, on va se le dire, publiée dans la revue Information Communication Society, montre que les jeux sociaux, en plus d'être amusants, représentent pour les membres de famille un outil privilégié pour interagir et remplir leurs obligations sociales. Dans le cadre de l'étude, la professeure Mia Consalvo et sa co-auteure Kelly Boudreau ont interrogé un groupe d'adeptes de jeux sociaux. Au moyen d'un questionnaire et d'entrevues de suivi, les chercheuses ont tenté de comprendre ce qu'implique le fait d'interagir avec des membres de sa famille par l'intermédiaire de jeux en ligne. L'étude révèle qu'en plus de procurer un sujet de conversation commun aux membres d'une famille, les jeux sociaux améliorent la qualité du temps qu'ils passent ensemble, et ce, même si ces jeux ne nécessitent généralement aucune communication directe. Par ailleurs, les jeux en ligne peuvent également contribuer à rapprocher les parents éloignés. En effet, certains répondants ont affirmé avoir renoué avec des cousins dont ils avaient perdu la trace. D'autres ont renforcé leur lien avec des tantes vieillissantes. Les jeux en ligne tels que Candy Crush Saga s'imposent donc rapidement comme un important mode d'interaction sociale. Maintenant, mauvaise nouvelle, la toile du Québec n'existe plus. Ah, si vous ne l'avez pas encore appris, je m'excuse de ne pas vous avoir averti à l'avance de vous asseoir. Sans tambour ni trompette, Québécois a officiellement débranché l'une des plus vieilles institutions du web québécois, la toile du Québec. Au Québec, maintenant, 90% de l'achalandage des moteurs de recherche va vers de gros joueurs comme Google. C'est ce qu'a expliqué un porte-parole de Québécois pour justifier sa décision. Il ne reste de place pour personne. La fermeture ne devrait entraîner aucun licenciement. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait absolument personne qui travaillait chez la toile du Québec. C'est juste ça. En survie artificiellement. Ouais. Pour l'un des cofondateurs de la toile, Yves Williams, la nouvelle suscite une réaction ambiguë. Je cite, « C'était devenu un vieux répertoire de sites mal faits, mal entretenus, pas entretenus, qu'Canoë a abandonné assez vite après l'avoir acheté. » C'est bien évident. L'autre cofondateur, Christian Guy, regrette surtout l'occasion ratée. Je cite, « La fermeture est une bonne décision d'affaires en novembre 2014, mais il y avait d'autres opportunités à explorer il y a quelques années. J'avais moi-même suggéré un plan d'affaires et je me suis fait revirer de bord très sèchement. » J'ai aussi l'impression qu'on a fait ça en quatrième vitesse et l'approche du 20e anniversaire pour ne pas avoir à en faire une cérémonie. Il y a une longue lignée de faits sur la toile du Québec sur assemblagerequis.com. Maintenant, un bug qui est dans un jeu vidéo, Far Cry 4, qui permet d'identifier les versions piratées. Depuis le lancement de Far Cry 4 en début de semaine dernière, plusieurs internautes se sont plaints de l'impossibilité d'y ajuster le champ de vision. En se manifestant de la sorte, ces joueurs ont involontairement avoué avoir téléchargé illégalement le jeu. On parle une fois de temps en temps de trucs comme ça, là, par exemple dans les Sims, il y a quelques semaines, on avait une nouvelle là-dessus. C'est des bugs qui sont insérés par exprès dans des jeux pour que les gens se plaignent, pour qu'on remarque que c'est des pirates, parce qu'il y a juste la version piratée qui a ce défaut-là. Donc, on dit que ce serait une ruse élaborée par Ubisoft, technique qui pourrait s'avérer efficace pour repérer le potentiel pirate. Donc, le jour de la sortie de Far Cry 4, une mise à jour a été déployée par Ubisoft Montréal afin de corriger un bug empêchant d'ajuster le champ de vision de la version PC, puisque le jeu vérifie automatiquement la disponibilité de mise à jour lors de son exécution et qu'une copie piratée est généralement trafiquée de sorte qu'elle bloque l'accès à Internet. On peut présumer que les joueurs qui rencontrent ce bug ont piraté le jeu. C'est d'ailleurs ce qu'a acclamé OFR Alex Hutchinson, directeur créatif d'Ubisoft Montréal sur Twitter. Je cite, « Joueur PC, si vous êtes en ligne en train de vous plaindre de l'absence de paramètres, vous avez piraté le jeu. » Évidemment, il est possible que certains joueurs aient installé le jeu sur un PC qui est tout simplement pas connecté à Internet, mais là, comment est-ce qu'ils se plaindraient? Sur leur téléphone? Hein? C'est quoi? Il est toutefois difficile d'imaginer, blablabla. Ouais, c'est ça. Donc, volontaire ou non, cette astuce a permis à certains pirates d'accidentellement se dévoiler au grand jour. La situation sera de courte durée. Les réseaux de distribution de pirates ont déjà appliqué la mise à jour en question. C'est un article de Branchez-vous. Pour la première fois, les données récoltées par un bracelet connecté sont exploitées dans une affaire judiciaire au Canada. Une démarche réalisée en même temps qu'un procès visant à déterminer les performances physiques d'une jeune femme blessée dans un accident et donc la première peut-être d'une longue lignée. Il y a 4 ans, une habitante de la ville de Calgary a été victime d'un accident de voiture qui aurait fortement diminué ses capacités physiques. De très sportive, la jeune femme est désormais limitée à des activités quotidiennes normales. C'est la principale raison pour laquelle elle réclame aujourd'hui des dommages et intérêts. Et pour démontrer ses dires, ses avocats ont décidé de ne pas baser uniquement leur cas en cours sur l'expertise médicale, mais également sur les données récoltées par un bracelet connecté Fitbit. L'étude des habitudes de la plaignante va durer plusieurs mois pour avoir une base précise. Un bracelet de type Fitbit appelé tracker d'activité mesure notamment le nombre de pas effectués au quotidien, les escaliers montés, le sommeil. Les avocats ne comptent pas utiliser les données de manière brute et vont être traités par Viva Metrica, une entreprise spécialisée dans l'analyse d'informations récoltées par le biais d'appareils connectés. L'objectif est de positionner le comportement quotidien de la jeune femme vis-à-vis du reste de la population. Donc, l'un des points bloquants de l'affaire se retrouve dans le fait qu'il n'existe pas de données enregistrées avant l'accident. Donc, difficile de faire un avant-après, en effet. Mais la démarche pose quand même... fait qu'on se pose la question, est-ce que ça pourrait être utilisé dans le futur? Évidemment, c'est ça, ça vaut rien si t'as pas d'avant-après, à mon avis. Sous la pression, vous avez remarqué, pour les gens qui ont un appareil iOS, vous avez sûrement remarqué que la mention « gratuit » sur les applications n'est plus existante. On l'a remplacée par « obtenir ». c'est sous la pression. Vous êtes peut-être demandé pourquoi. Ben, je vous l'explique juste là. Sous la pression cumulée de la FTC américaine, la Federal Trade Commission, l'Office Fair Trading britannique et la Commission européenne, Google avait déjà banni l'usage du terme gratuit lors de l'installation de tout ce qui est free to play, c'est-à-dire gratuit à télécharger et ensuite il y a des affaires à acheter dedans. Donc, c'est pas vraiment gratuit si tu veux faire de quoi d'intéressant avec. Donc, il y a des achats in-game qu'on appelle. Apple faisait encore de la résistance jusqu'à cette semaine, estimant que sa façon de présenter les choses était suffisamment claire. Il y avait un petit plus qui disait à côté qu'il y avait des ajouts dans l'application. Le géant a malgré tout fini par se plier aux attentes des autorités de régulation en supprimant le qualificatif sujet à discussion du bouton cliquable d'installation d'un free-to-play. Le bouton affiche désormais un « obtenir » en français. En anglais, c'est le mot « get ». Pour les différents organismes, on ne peut qualifier de gratuit des titres intégrant des paiements, parfois conçus pour être incontournables. La FTC, qui surveille de près la question du free-to-play depuis quelques mois, cherchant à limiter les abus et les pratiques visant à tromper les consommateurs sur les coûts réels d'un jeu dit gratuit. Je trouvais ça clair comme c'était le petit plus. Je trouvais ça bien beau, mais bon. Obtenir, ça fait la job. Ça fait que le bouton est plus long. Ça fait qu'on manque du texte dans les titres, mais c'est pas grave. Côté location de jeux vidéo maintenant, club vidéo bien sûr, allons-y avec les jeux au lieu des positions encore une fois parce que c'est tout le temps les mêmes. On retrouve Far Cry 4 édition limitée sur Xbox 360 en 10e place, sur PS3 en 9e place, sur Xbox One en 5e place et sur PS4 en 2e place. Ensuite, on a Pokémon Alpha Sapphire sur la 3DS qui est en 8e place. Pokémon Omega Ruby qui est en 7e place, toujours sur 3DS. En 6e, c'est Dragon Age Inquisition sur la PlayStation 4. En 4e place, Grand Theft Auto 5 sur la Xbox One. En 3e, Super Smash Bros. Pour la Wii U sur la Wii U. En première place, finalement, j'aurais dû la faire avec l'autre, mais en première place, c'est encore une fois Grand Theft Auto 5 sur la PlayStation 4. Tantôt, j'avais dit qu'il était en 4e place sur la Xbox One. Voilà pour le segment Geek CNX. On va retourner en musique chiptune pour l'instant, aller entendre quelques petites pièces. Je vais commencer avec une chanson en hommage à Castlevania. Ça vient de Mega Flare. On écoute ça. C'est Hunter au 89.1 FM. Vous écoutez le Mathieu Plante Show. l'information. C'est fou. 89.1. Thank you. Deux pièces du musicien chiptune Mega Flair qui vient de Baltimore. Donc, il reprend les mélodies sombres de Castlevania avec son Nintendo Game Boy et le chiel LSDJ. Il a aussi collaboré avec DJ Cartman pour enregistrer chaque canal de la puce de son de la console Game Boy pour pouvoir les mixer séparément dans le chiel Ableton Live. Donc, ça donne deux chansons qu'on a entendues, une après la pause et une avant la pause. Tout ça pour entourer cette merveilleuse pause de musique de Castlevania ou Mathieu Plancheau. Ce qui nous amène à parler de jeux vidéo qui s'en viennent. La la la la la. C'est bientôt sur vos écrans. Voici les nouveautés en magasin pour la semaine du 23 au 29 novembre 2014. Commençons par Shroud of the Avatar Forsaken Virtues, qui est la première partie d'une nouvelle version de jeu de rôle à la réinvention qu'on dit du RPG classique. Donc c'est rien de moins que Shroud of the Avatar Forsaken Virtues. Ensuite, Eternal Winter sort sur PC. If My Heart Had Wings sort aussi sur PC. Area X sort sur PC. Luna Shattered Hearts Episode 1 sort sur PC aussi. Deux personnages principaux qui ont fait des choses terribles, qui vont vivre une métamorphose. Chōdengeki Striker Limited Edition sort sur PC aussi. Level Up et sur PC. Space Legends at the Edge of the Universe sur PC. Midnight Mysteries Witches of Abraham Collector's Edition sort sur PC. Draft Day Sports Pro Basketball 4 sur PC. Brink of Consciousness The Lonely Hearts Murders sur PC. Chromo Dynamics sur Xbox 360. Ensuite, mardi, Tales from the Borderlands Episode 1 Zero Sum, c'est sur PC, PS4, PS3 et Xbox 360. C'est coté superbe selon GameSpot, 9,3 selon les utilisateurs du site de GameSpot. Un jeu qui sort en version épisodique, donc épisode par épisode, ça vient de Telltale Games. Persona Q Shadow of the Labyrinth sort sur 3DS. C'est le premier jeu de Persona qui sort sur la 3DS. Akiba's Trip Undead and Undressed sort sur PlayStation 4. C'est coté 4 pauvre selon GameSpot. C'est un jeu d'action RPG dans un monde ouvert. Geometry Wars 3 Dimensions sort sur PS4, PS3 et PC. C'est une évolution du jeu frénétique Geometry Wars que les fans adorent depuis très longtemps. Moi, j'ai beaucoup aimé quand j'ai joué aussi. C'est un jeu où on sert avec deux gâchettes en même temps. C'est le fun au bout. PS4, PS3 et PC. Thomas Was Alone sort sur Wii U et PlayStation 4. C'est un jeu minimaliste qui parle d'amitié et de sauter. Hein, c'est 7,5 selon GameSpot, 7,4 selon la communauté. EverQuest 2 Altar of Malice sort sur PC. Un jeu de rôle en ligne qui devient accrocheur. C'est coté 7,8 selon GameSpot. Speak Easy sort sur PlayStation 4. C'est coté 3 mauvais selon GameSpot. Un jeu local multijoueur de party. Donc on fait la fête dans les années 20 avec le style. Ça mélange le côté roche-papier-ciseaux avec le style et les sons des années 20. Mais c'est coté 3. Je trouve ça a l'air cool comme concept, mais bon, un concept, c'est facile d'avoir l'air cool. Penguins of Madagascar sort sur la Wii. Oui, la Wii, la vraie, pas la Wii U. Ils sortent encore des jeux pour la Wii. Aqua Kitty Milk Mind Defender DX sort sur Vita et PlayStation 4. Space Salvager sort sur PC. Winged Sakura Mindy's Arc sur PC. Jetpack Joyride Deluxe, la version deluxe du jeu sur iPhone, entre autres, où on joue un petit bonhomme avec un jetpack sur le dos et on monte et on descend. C'est un genre de Endless Runner, mais dans les airs, un peu à la Angry Birds, mais en plus fun. En tout cas, bref, PS3 et PlayStation Vita. Pocket RPG sort sur la Vita. Tennis in the Face sur PS4. J'adore le nom Tennis in the Face, malade. Instant Dungeon sur PC. On passe à mercredi où il y a encore une fois la sortie de Tales from Borderlands Episode 1 Zero Sum, mais sur Xbox One cette fois-ci, encore une fois 9 selon GameSpot. Ça c'est en Europe. Warhammer 40,000 Armageddon sort sur PC. Geometry Wars Dimension, le troisième, ça sort sur la console Xbox One et sur Xbox 360 ce jour-là. Monopoly Plus sort sur Xbox One. Oui, le jeu de société. Fireworks Simulator, un simulateur de feu d'artifice, sort sur PC. OK. Jeudi, Raven's Cry sur PC. Congo, Atar Juba, Joe Devers Lone Wolf HD Remastered. Tous ces trois jeux-là sur PC. The Witcher Adventure Game sort sur PC aussi. C'est ça. Le résumé n'est pas super intéressant. Allons-y avec Heptrix, un puzzle qui sort sur la Wii U. Vendredi. On y va avec qu'est-ce qu'il y a vendredi? Il y en a-tu? Il y en a pas. Wings of Vi sort sur PC. Secret Sorrow of the Siblings sort sur PC. Rugby Union Team Manager 2015, le jeu de rugby, bien sûr, sur le PC. Foresight sort aussi sur le PC. samedi. Il n'y a rien aux États-Unis, rien en Amérique du Nord. Donc voilà, c'était les nouveautés en magasin pour cette semaine. J'aurais dû regarder avant de me lancer là-dedans, mais je crois qu'on n'avait pas fait les nouveautés de la semaine passée, puis ça ne me tente pas de prendre toute votre journée là-dessus. T'sais. Donc, on va sauter les jeux de la semaine passée, mais allez voir sur assemblagehockey.com. Il y a le lien vers les jeux de la semaine et vous pouvez cliquer sur les semaines précédentes si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour bientôt sur vos écrans. Dans quelques instants, on va faire « C'est un fait Tech Edition ». Je pense que ce serait une pas pire idée, même que j'ai quasiment envie de le faire tout de suite parce qu'il me semble qu'on n'a pas parlé tant que ça, vous et moi. Pas si pire que ça, c'est un bloc quand même relativement court. Donc voici « C'est un fait Tech Edition ». Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Oh, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est une chose véridique, véritable et vérifiable. Allons-y avec ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Pour débuter, on saute le 17 novembre, rien de bien intéressant pour moi. Au 18 novembre, en 1883, les rails de chemin de fer américains et canadiens ont commencé à adopter les zones horaires standardisées. Donc, il y avait 5 fuseaux horaires pour remplacer la multitude d'heures locales partout en Amérique du Nord. On appelait ça « The Day of Two Noons », la journée aux deux midis, alors que chaque horloge de station de train était remise au midi standard, donc à chaque zone horaire. Donc, on les amenait à midi au fur et à la mesure. Donc, c'était en 1883, on a remis ça correct. En 1928, Steamboat Willie a débuté au Universal Colony Theater de New York City. C'était le premier dessin animé synchronisé avec son son. Donc, le son et l'image étaient synchronisés. Réalisé par Walt Disney et Hub Iwerks. C'était aussi la première apparition officielle de Mickey Mouse. C'était en 1928. En 2012, la Nintendo Wii U a été lancée en Amérique du Nord. La console n'avait pas encore son service TV, mais demandait quand même un téléchargement de 5G dès le départ, ce qui prenait plus d'une heure à télécharger. Donc, t'arrivais à la maison avec ta console que tu venais de payer comme un prix exorbitant. En chef, tu l'allumais, pouf, une heure de téléchargement, 5G de bande passante. Pour bien des gens, ça va défoncer leur plafond. C'est un petit peu dommage, ça, je trouve. Lancement pas super réussi. Le 19 novembre 1872, E.D. Barber de Boston, au Massachusetts, a reçu le premier brevet américain pour une machine à additionner capable d'imprimer le total et le sous-total. Donc, la maintenant nommée machine à calculer était pas super pratique, nous dit-on. En 1981, le président des Philippines, Ferdinand Marcos, a banni les jeux vidéo, donnant des exemples tellement outrants comme Space Invaders et Asteroid comme étant un ennemi qui détruit la vie sociale. Un ennemi social destructeur, on pourrait dire. Il appelait les jeux vidéo « The Electrical Bandit », le bandit électrique. Il est tellement au courant, ce gars-là. Et en 2006, la Nintendo Wii a été lancée en Amérique du Nord. Donc, vous avez vu que la Nintendo Wii et la Nintendo Wii U sont sorties dans la même semaine. Mais bon, je pense que c'est... certains diraient la semaine de l'Action de grâce américaine, l'endroit où on commence à acheter les cadeaux. Donc, c'est normal que ça sorte dans ces coins-là. Le 20 novembre, en 1984, l'Institut SETI, donc le Search for Extraterrestrial... toujours difficile. Search for Extraterrestrial Intelligence a été fondé par Thomas Pearson et Dr. Jill Tarter. Pas de chance jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à trouver l'extraterrestre, mais quand même, ils continuent de chercher. En 1985, Microsoft sortait enfin la version 1.0 de Windows. On le considérait comme un petit peu inférieur à ses compétiteurs comme DeskView. Et le Macintosh, bien sûr, mais quand même, c'est ce qui a fini par prendre toute la place Windows. Malheureusement, selon la plupart. Le 21 novembre 1877, Thomas Edison annonçait l'invention du phonographe, une machine qui pouvait enregistrer et jouer les sons, donc en 1877. Le 22 novembre 1995, le premier film complet créé à partir de graphiques d'ordinateur, donc Computer Generated Imagery, est sorti en cinéma. Toy Story, qui a fait plus de 350 millions de dollars partout dans le monde, ce qui a fait de son producteur exécutif Steve Jobs un homme heureux, bien sûr. En 2005, la Xbox 360 de Microsoft était la console, oui, Xbox 360 de Microsoft, est arrivée dans les magasins en Amérique du Nord. C'était la suite de la Xbox originale et c'est devenu évidemment un énorme succès. Et on termine avec le 23 novembre 1889, ce qu'on appelait un Nickel in the Slot Player a été installé au Palais Royal Saloon de San Francisco. C'était le premier jukebox, Nickel in the Slot voulant dire une pièce de 10 cents. Dans la fente. Non, de 5 cents. Nickel, 5 cents, dime, 10 cents. Faut que je retienne des dime, 10 cents. Je retiens jamais le nickel and dime, lequel est le 5 cents, lequel est le 10 cents, mais c'est pas super important. Donc, le premier jukebox, jusqu'à 4 personnes pouvaient mettre une pièce de monnaie, des écouteurs sur les oreilles et écouter un album, un disque, en train de jouer sur un phonographe dont on vient juste de parler, hein, un phonographe Edison Class M. Et ça, c'était en, attention, 1889. Fait longtemps, titi, ça, là, là, là, là. En 1963, à 17h16... On se croirait en France avec les heures d'émission qui débutent à de drôles de moments. Donc, 17h16, la BBC a montré pour la première fois la nouvelle émission de science-fiction familiale Doctor Who et son premier épisode An Unearthly Child. 17h16, 23 novembre 1963. Et pour terminer la chronique, en 2004, Blizzard lançait World of Warcraft, qui a devenu le plus grand jeu de rôle massivement multijoueur et en ligne à jamais avoir été fabriqué. Donc, c'était Blizzard et World of Warcraft en 2004. Voilà pour la portion ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. J'ai envie de me lâcher lousse. On a le temps aujourd'hui pour un petit peu de... C'est un fait, Tech Edition, version jeu vidéo. On le fait une fois de temps en temps, surtout qu'on a le temps. Et aujourd'hui, on l'a. Donc, des faits sur Mario. Des fois, j'accumule des faits sur Mario à travers les semaines. Je les saupoudre pas dans les autres chroniques. À la place, je les garde pour faire un long bloc Mario. Puis, ben, je me fais plaisir parce que je porte mon chalet de Mario aujourd'hui comme 2-3 fois par semaine. Donc, Nintendo a montré Mario, qui s'appelait précédemment Jumpman, avec des cheveux et sans chapeau depuis la NES et la Famicom, qui est la version japonaise de la NES. Mais au départ, lorsqu'on a montré les premières images de Donkey Kong, évidemment le premier jeu où Mario était présent, ben Colin, il était chauve Mario et il avait une très très grande moustache, genre de chef italien, et des favoris en boucle. Donc la boucle de sa moustache était similaire à la boucle de ses cheveux et il y en avait juste en arrière de la tête et il n'y avait pas de casquette. Donc voilà, ben, en tout cas, moi je le vois. Ah, je pense qu'il y avait une casquette. Oui, il y avait un chapeau en fait. Un chapeau rouge. Quasiment un chapeau melon. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com, mais à la base, Mario n'avait pas de cheveux. La première apparition de Luigi dans un jeu de Mario était en fait dans la version Game & Watch de Mario Brothers. Là, je ne parle pas de Super Mario Brothers, les super frères Mario. Non, je parle de Mario Brothers, le jeu où on jouait Mario et Luigi. Mais en fait, au Nintendo, je crois que c'était Mario et une version colorée autrement de Mario. En tout cas, là, je m'avance dans des choses que je sais pas. Là. Mais c'est le jeu avec les tuyaux de chaque côté. Tu avais des bébites qui montaient dans le milieu, ils sortaient du tuyau, montaient sur les planchers, puis tu devais les frapper par en dessous. Il y avait des bestioles qui sautaient, des bestioles qui courait vite. Donc, la première apparition de Luigi, c'est dans la version Game & Watch de ce jeu-là, qui est sorti avant la version en arcade. Donc, Colin, moi, je ne savais pas cette information-là. C'est vraiment cool à savoir. Les Game & Watch étaient l'ancêtre des 3DS, des DS et Game Boy. C'était un genre de petit portefeuille, si on veut, ou téléphone intelligent, style calculatrice, que tu ouvrais. C'était fermé comme un miroir, genre. Tu l'ouvrais, tu avais l'écran en haut, les boutons en bas, c'est pareil comme la 3DS, mais en vraiment moins graphiquement avancé. En fait, c'était pas grand-chose l'image qu'il y avait là-dessus. Faites vos petites recherches sur YouTube pour voir des vidéos de Game & Watch, c'était pas super impressionnant. Évidemment, on sait tous dans la série des Super Mario Brothers que le Goomba est le premier ennemi qu'on rencontre dans le premier jeu de Super Mario Brothers. C'est en fait le dernier objet à avoir été ajouté à Mario Brothers. Ça a été créé après que Miyamoto et son équipe a décidé qu'on avait besoin d'un ennemi qui pouvait être tué avec seulement un coup de pied dessus. Au lieu des Koopa Troopas, où on devait leur enlever leur carapace et ensuite pouvoir tuer l'ennemi. En fait, c'est ça, c'était tuer la carapace puis envoyer la carapace dans un trou. À l'époque, tu pouvais pas te sauter sur la tortue, mais bon. Donc, malheureusement, il y avait très peu d'espace qui restait sur la cartouche, donc ils avaient besoin de quelque chose de très, très petit et de très simple. Ils ont utilisé une seule image, ils ont fait l'animation du personnage qui bouge en la virant à l'envers. Donc, dans le fond, si vous allez voir le petit gif animé sur assemblagerequis.com, le Goomba, qui est l'ennemi qui ressemble à un champignon brun, il y a un côté, son pied gauche est gros et son pied droit petit. Et dans quand tu l'inverses, ça fait le contraire. Donc, c'est comme ça qu'il a l'air de marcher à l'écran. C'est un Goomba, il marchait de gauche à droite. Évidemment, on voyait leurs yeux. À l'époque, on les voyait pas de côté, les ennemis, trop, là. C'était surtout de face. Toujours dans les Super Mario Brothers, le premier sur la NES, les œufs de Spiny, tu sais, les petites bestioles à pic qu'un nuage lance. Le nuage, c'est l'Akitu. Donc, ils sont lancés par l'Akitu de façon très, très simple. Il n'y a aucun mouvement horizontal du tout. Il ne fait que lancer les œufs par-dessus bord. Mais c'est pas le comportement supposé. En fait, c'est un bug, tout ça. Les œufs sont supposés être lancés relativement à la vitesse du joueur, la vitesse de l'Akitu, la position du joueur et une valeur pseudo au hasard. Et c'est supposé rebondir sur les blocs ou les murs que ça frappe en descendant. Mais tout ça, à cause d'un bug, ça n'arrive pas. Donc, il ne fait que lancer l'œuf par-dessus bord de son nuage dans le premier Super Mario Brothers. Maintenant, dans Super Mario 3, si on entre dans le tableau 5-3 avec son habit de Tanuki, l'habit de renard de Mario, et qu'on entre dans un Kuribo's Shoe, ça, c'est le petit soulier vert qu'on trouve dans, je crois, un tableau du jeu. Pendant que t'es la statue Mario, donc quand t'es l'habit Tanuki de renard, okay, tu peux te transformer en statue en appuyant, je crois que c'est la flèche d'en bas, puis B ou quelque chose comme ça, je me rappelle pas, ça fait vraiment longtemps. Mais quand tu te transformes en statue, les ennemis peuvent pas te toucher. Et si tu te mets en statue et que tu tombes dans un soulier, dans une botte de Kuribo, ok, ça va donner au joueur une invincibilité totale de tous les ennemis pour le reste du tableau. Donc sachez-le, vous mettez en statuette, vous tombez dans la botte de Kuribo et vous partez jusqu'à la fin du tableau. Si tu attends assez longtemps dans le tableau de Super Mario 3, dans les tableaux de Mario 3 où il y a des Chain Chomps, ça c'est les ennemis qui sont pognés après un bloc avec une chaîne. Si tu attends assez longtemps, ils vont se libérer. Hein? Donc c'est ça, ben, c'est un des secrets. Après 47 tirs sur la chaîne, la chaîne va commencer à clignoter. Et après 50, ils vont dans le fond se libérer de leur chaîne et prochaine fois que vous allez jouer, vous allez maintenant le savoir. Dans Super Mario 64, maintenant, l'ennemi Womp a été inspiré apparemment par une créature mythologique japonaise nommée Nurikabe. Donc, Nurikabe qui prenait la forme d'un mur pour piéger les voyageurs, les touristes. Donc, vous savez que le Womp dans Mario 64, c'est une espèce de mur de pierre, de ciment. Il y en a des plus petits, il y en a des grands aussi. Donc, on dit que Nurikabe pouvait prendre l'expansion de façon infinie. Donc, il pouvait devenir très, très, très, très, très grand. La seule façon de le faire disparaître était de le faire tomber sur son... En fait, de le frapper sur son côté en bas à droite de la bestiole. Alors que dans Mario 64, c'est plus d'attendre, de te mettre en dessous et d'espérer qu'il tombe sur toi, te tasser, puis lui sauter sur le dos pour le défaire en morceaux. Dans Super Mario 64 maintenant, le développement du jeu a commencé avec l'idée qu'on voulait faire un jeu de course à deux joueurs après F-Zero, donc qui avait eu un seul mode à un seul joueur, donc tu pouvais jouer à un seul joueur à F-Zero, on voulait jouer à deux joueurs dans un nouveau jeu de course. Donc le prototype du jeu à l'origine avait seulement un homme en salopette tout à fait générique. C'était pas Mario à l'époque, c'était juste un gars en salopette. La décision d'inclure des personnages de Mario a été prise 3 à 4 mois après le début du développement. Les développeurs ont décidé d'ajouter Mario dans un des karts parce qu'ils étaient curieux. Ils se demandaient de quoi ça aurait l'air. Donc, à l'ultime, ils ont décidé que le jeu était plus beau avec Mario. Et donc, ils ont fait de ce jeu un jeu dans la série des Mario. On reste dans Mario Kart, mais au Nintendo 64, l'idée de la coquille, de la carapace bleue, finalement, est arrivée après des limitations dans le processeur et dans la console qui empêchaient les développeurs de montrer tous les personnages à l'écran en même temps. Donc, leur solution était de vider la piste en utilisant la coquille bleue, en tuant tout plein de monde, puis en resetant ça, en ayant moins de gens physiquement présents dans le même endroit. Nous dit-on, selon la source, qui, comme toujours, sur assemblagerequis.com. Toujours dans Mario Kart 64, jusqu'à maintenant, la seule piste, la seule course dans le jeu qui n'a pas été utilisée comme course rétro dans les futurs Mario Kart est Wario Stadium. Elle n'a pas encore été reprise dans aucun jeu, mais ça va venir. C'est sûr, avec le nombre de versions de Mario Kart qu'ils font, ça va s'en venir. Dans Mario Kart Double Dash, maintenant, si on tient X ou Y alors que l'écran Nintendo, le logo Nintendo est affiché, que Nintendo, le mot est dit, l'Akitu va apparaître avec un poisson au bout de sa canne à pêche à la place des lumières de trafic, les lumières rouges, jaunes et vertes. Donc, si on appuie sur X ou Y alors qu'on dit Nintendo, la lumière va être remplacée par un poisson. Il y a une petite vidéo que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com qui vous montre comment et de quoi ça a l'air. Maintenant, Super Smash Brothers, les concours de popularité domestique et internationaux sont utilisés pour décider qui devait être ajouté dans les prochains Super Smash Brothers. Après ça, certaines questions comme est-ce qu'un personnage peut amener quelque chose d'intéressant ou encore est-ce qu'il représente bien leur série de jeux vidéo? C'est l'équipe qui se pose la question. Mais ça commence avec des sondages au Japon. J'imagine que par domestique, on parle du Japon. Et à l'international. Maintenant, au Nintendo 64, dans la série des Super Smash Brothers, dans la version japonaise, les sons d'attaque sont de vrais sons de punch, finalement des sons de boxe. Ça a été changé, nous dit-on, dans les autres pays pour avoir l'air un petit peu plus familial pour que ce soit des vrais coups de poing. Donc c'est une différence. Malheureusement, il n'y a pas de son pour vous faire entendre en direct maintenant. Au Nintendo 64, toujours, après la sortie de Super Smash Bros. Au Japon, Nintendo a commencé à faire des sondages pour voir l'intérêt du public par rapport à des additions futures de personnages. Dans le top 10, 6 ont été ajoutés depuis, et les 4 autres ont été délaissés complètement. James Bond, Banjo et Kazooie ont probablement été abandonnés pour des raisons légales. Ils appartiennent à d'autres compagnies que Nintendo. Même s'ils ne sont pas jouables, les personnages de Mew, et ça c'est Mew dans Pokémon, et Toad, qu'on appelle des fois Todd, le petit champignon dans les Mario, eux ont fait des caméos, donc des apparitions spéciales. Mew est un résultat d'une Pokéball qui est quand même assez rare dans le jeu. Le résultat est non pas la Pokéball. Et Toad est une des attaques de Peach dans les jeux plus récents de Super Smash Bros. Mais quand même, donc moins utilisé. Et James Bond et Banjo-Kazooie, on les verra certainement jamais. Dans Super Smash Bros. For Nintendo 3DS and Wii U, selon Masahiro Sakurai, la raison pour laquelle les Ice Climbers ont été coupés de la sélection depuis la précédente version, c'est qu'il y a des limites au matériel de la Nintendo 3DS. Donc, il dit que la 3DS n'est pas assez forte pour gérer les deux personnages en même temps. Des Ice Climbers, ça, c'est les petits personnages avec des manteaux de fourrure, si on veut, avec des marteaux de bois dans les mains. Donc, ils étaient dans les précédentes versions de Smash Bros., mais pas dans les deux plus récentes, à cause de limitations matérielles. Il dit aussi, M. Sakurai, qu'il ne voulait pas les ajouter seulement à la Wii U, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait trop de différence entre les deux versions. Donc, en les enlevant de la 3DS, on les a aussi enlevés de la Wii U. Moi, je me demande s'il y avait peut-être un problème de popularité, peut-être, étant donné qu'il n'y a pas eu de jeu de Ice Climbers depuis super longtemps, que peut-être que ça n'a pas donné l'envie aux gens de les sélectionner. Et c'est bon de faire la place pour d'autres dans ce genre de jeu aussi, s'ils servent à rien. À l'intérieur des données du jeu sur la 3DS et la Wii U, il y a plusieurs images inutilisées qui ont été montrées dans la section didacticielle. Donc, il y a des images qui n'apparaissent jamais dans le jeu. Voilà. N'apparaissent jamais dans le jeu. À l'intérieur du code du jeu. Ah, j'avais les sons d'attaque de Smash Bros., les coups de poing de tantôt. Trop tard, on est passé à autre chose. On parle de Super Mario Galaxy maintenant. L'idée même de Super Mario Galaxy vient du producteur du jeu, Shigeru Miyamoto, qui disait au réalisateur du jeu, Yoshiaki Koizumi, « Hey, est-ce que tu peux faire quelque chose avec des mondes sphériques? » Donc, l'idée a été définie sur une longue période de temps. Éventuellement, c'est devenu, bien sûr, Super Mario Galaxy, après quand même pas mal de travail, j'imagine, de leur part. Miyamoto, c'est connu, il est célèbre pour ça. Il fait souvent des commentaires très vagues. Donne des commentaires constructifs ou pas aux gens de chez Nintendo. Donc, il n'y a pas tant de gens qui comprennent ces affaires-là, mais Koizumi a réussi à comprendre le contexte et a donc créé Super Mario Galaxy. On va finir avec un dernier, tant qu'à parler de Galaxy. On va aller dans Super Mario Galaxy 2. Les versions japonaises, européennes et australiennes du jeu viennent avec un manuel DVD. Un manuel d'instruction en DVD pour expliquer les contrôles de base du jeu et pour montrer des techniques plus avancées. La raison pour laquelle on a fait un DVD, c'est que Super Mario Galaxy 2 était plus difficile à jouer que son prédécesseur. Donc, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu de DVD avec la version américaine. Mais peut-être qu'on se disait que les gens étaient capables de plus trouver par eux-mêmes. Mais au Japon, en Europe et en Australie, on a un guide DVD de Mario Galaxy, ce qui reste quand même assez sympathique. C'est gratuit, ça vient avec. T'sais. Tu payes dans le prix du jeu. Alors voilà, pour c'est un fait Tech Edition. J'ai envie de vous faire entendre maintenant notre segment récurrent, notre longue série musicale qui s'appelle Audio Engineering, A Tribute to Sid. On était rendu quand même loin, on était rendu à la fin de tout ça. Donc c'est une compilation qui met en vedette 13 pièces de 12 artistes différents qui réarrangent les chansons de la série de jeux vidéo Final Fantasy. L'album contient des images inspirées des différentes incarnations de Sid, un personnage fictif récurrent de la série. C'était fait par les fans et pour les fans. Il nous reste les pièces 11, 12 et 13. Commençons avec Life and Death de Therex et Tubers McGee. NPS, le Mathieu Plante show sur Cifu. We'll be right back. C'est fou, 89.1. Sure that we are. C'était City of Wind, Windy, basé sur Final Fantasy Mystic Quest, Windy City, par Cyril the Wolf. Avant ça, on a entendu Three Hours of Fate, basé sur Final Fantasy Type Zero, Gods and Crystals, par Moomba. Et on débute avec Life and Death, inspiré de Final Fantasy XII, Progus Bonanza, par Therexy Tubers McGee. Oui, toutes les informations sont sur assemblagerequis.com. Vous pouvez télécharger la compilation Audio Engineering Attribute to Sid en visitant encore une fois notre site web. Sinon, c'est ocremix.org. C'est eux qui ont fabriqué cette belle petite compilation sur la musique de Final Fantasy. C'était bien bon tout ça. Ça a varié un petit peu mon genre musical de l'habitude. Mon style musical de l'habitude, c'est pas mal Mario puis Donkey Kong, vous le savez. Justement, je vais retourner à mes habitudes pour la prochaine série. On va entendre la compilation DKC Mixed Ape, c'est un jeu de mots avec mixtape, mais c'est Mixed Ape comme un genre de gorille. 94 par Big Matt Attack. Big Matt Attack. Oui, c'est ça, Big Matt Attacks. Est-ce qu'on écoute un extrait? Je pense que oui. On va écouter, tiens, juste un extrait de n'importe quelle pièce, celle-là, tiens, par Droideka. Donc la musique de Donkey Kong Country 1, 2 et 3, tous ensemble. D'habitude, on fait des séries sur le 1, sur le 2 et sur le 3. C'est ce qu'on a fait à travers les dernières années au Mathieu Plante Show. L'émission qui existe depuis un an et demi à peine, mais disons depuis les dernières années. Donc on va écouter ça à partir de la semaine prochaine. DKC Mixed Ape 94. Moi, j'ai vraiment hâte à ça. Hein? C'est ma série préférée de musique. Je trouve que c'est la meilleure. Mais c'est là-dessus que va devoir se terminer notre édition du Mathieu Plante Show. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours les mardis entre 13h et 15h. On rappelle les jeudis de 16h à 18h. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve les jours de semaine, du lundi au jeudi, avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis. Ça, c'est donc du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et avec Jean-Philippe Charbonneau, Palmarès et Fou, les mercredis de 14h à 17h. Voyons. Consultez la programmation complète sur sifo.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook sur facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté! Bye!